Le monde entier regarde. Le monte-charge descendait d'une lenteur pénible, ses câbles grinçant sous son poids. Des gyrophares rougeâtres tournoyaient, ponctuant la chute verticale de l'unité d'élite. Amélie patientait stoïquement, méconnaissable dans son exosquelette. À 2 mètres de haut, elle trônait massivement sur ses subordonnés. Chaque portion de l'armure était blindée, renforcée, articulée et supportée par un système de branches hydrauliques joint à des servomoteurs. Les circuits étaient alimentés par une série de batteries à oxyde solide localisées dans son dos. Mais l'absence du logo de la HopeSec, ainsi que les plaques ternies et certaines asymétries ici et là, prouvaient qu'il ne s'agissait encore que d'un prototype. C'est ainsi qu'elle tenait, au bout de bras puissants, une lourde mitraillette M2 à calibre 50, le genre de cracheuse qui allait sur des chars d'assaut. De quoi déchiqueter un arbre, percer les vestes pare-balles, les murs, n'importe quoi. Le cœur d'Amélie battait à tout rompre. Le HUD de son casque contenait trop d'informations. La réalité augmentée, la géométrie du centre de données, les autodiagnostics de l'exo. Et elle savait que ses capteurs vidéo et ceux de son unité renvoyaient tout ça quelque part, probablement dans une transmission en temps réel. C'était une décision extrême, désespérée, de montrer tout ça. Et en quelque sorte, ce n'était que le point culminant des événements des derniers mois, avec Amélie constamment coincée, irrémédiablement sur la ligne de front. Sa zone d'expertise, son talent, là où elle pouvait briller, se rendre utile, servir à quelque chose. En même temps, cette situation, dans ce bunker souterrain, au bout du monde, était différente. Tout le monde regardait. Bill et la province entière dépendaient d'elle et Amélie était maintenant responsable de la situation, même si elle n'était pas certaine d'en comprendre tous les enjeux. Tout ce stress, cette pression écrasante, tandis qu'elle était poussée jusqu'au bord du gouffre, avec des ordres clairs et une mission à remplir. Une mission. Amélie songea à reculer, mais le monte-charge venait finalement d'atteindre le dernier niveau, stoppant dans un vacarme tonitruant. « Soyez prêts !» ordonna-t-elle. Les portes d'acier s'ouvrirent grand, révélant un mouvement dans le hangar central. Tandis qu'Amélie se préparait à faire feu, 3 ouvriers surgirent soudainement dans son champ de vision. Des comtecs, terrifiés, chemises cernées par la sueur. Gesticulant en s'approchant. « Aidez-nous !» s'écria l'un. « S'il vous plaît !» plaida l'autre. Amélie s'avança, gigantesque, ses lourdes bottes résonnant sur le béton jusqu'à couvrir le vrombissement des servomoteurs. De chaque côté, le reste de l'unité se déploya à travers le hangar. « Où est le terroriste ?» s'empressa de demander Amélie, sa voix retransmise électroniquement à travers le casque de l'exosquelette. « Le... » bégaya un comtech. « Le terminal, madame !»« Vous 3 !» pointa Amélie. « Vous venez avec nous, compris ? On aura besoin de votre expertise !» Les 3 comtech la dévisagèrent, apeurés. Ils lorgnèrent le monte-charge d'un regard paniqué. Mais avant de pouvoir protester, des soldats d'élite les talonnèrent déjà, agressivement. « Allez, espèce de tapette !» grommela l'un d'eux. « Plus vite, les filles !» dit un autre. Amélie s'empressa d'ouvrir la voie, pas à pas, scrutant les détails du centre de données du coin de l'œil. Le schéma du complexe se révélait parfaitement à travers la visière de son casque. Là, le trajet en ligne droite vers le terminal. Amélie se propulsa à toute vitesse, franchissant une porte pour pénétrer dans ce qui semble être le break room des employés. Le spectacle l'arrêta net, de sorte que les soldats eurent la voie bloquée et protestèrent, alarmés. Une holoprojection formait la circonférence de la pièce circulaire, recréant à la perfection la scène de la rue Notre-Dame, le soleil plombant, les drapeaux noirs, les émeutiers à moitié nus, l'unité rouge du SOM et le Behemoth. Tout ça au ralenti. Amélie était là, aussi, dans sa vieille armure de police, casque roulant à ses pieds, les mèches collées de sueur, brandissant le lance-grenade de Mickey. Des images célèbres. Mais dans cette version, Amélie était ficelée, poings, pieds et tête par de longues chaînes comme un simple pantin. Chaque maille était constituée de symboles de dollars imbriqués les uns dans les autres. Puis, pendant qu'Amélie faisait feu avec le lance-grenade de Mickey, directement dans la foule, les chaînes la tenaient, la guidaient de haut, forçant chacun de ses gestes. Viser, tirer. Même lorsqu'elle frappait l'anarchiste avec sa crosse, l'écrasait de ses genoux, les chaînes tiraient, tiraient. Amélie frappait, possédée, encore et encore, jusqu'à lui renfoncer le crâne dans le macadam bouillant. Une vulgaire marionnette. Amélie était subjuguée. Les images distantes lui revenaient. C'était elle. Ce n'était pas elle. Le souvenir d'un itinérant dans une ruelle, son cadavre, trois douilles de 9 mm. Run de nettoyage. Première officière, lança un des soldats. Faut se dépêcher. Je sais, lui cracha-t-elle, pleine de hargne. Souhaitant chasser ces images, Amélie se précipita tête première à travers le break room, les cerveaux moteurs sillant sous la pression. Elle retenait son envie de pleurer, de vomir. À travers la course, elle pouvait jurer que les six soldats parlaient contre elle, échangeaient des commentaires désobligeants, mais elle n'arrivait pas à comprendre ce qu'ils disaient. L'espace d'un battement de cœur, la géométrie lumineuse de son HUD s'embrouilla, les lignes superposées au mur se pliant, déviant de leur cours pour se transformer en un gigantesque A encerclé, bloquant tout son champ de vision. Le hacker était dans son casque. Se mordant la lèvre, Amélie éteignit la fonction de réalité augmentée, s'entêta à avancer, certaine du chemin à suivre. Dans la foulée, elle se heurta à une porte verrouillée. Tôt fait, elle donna un coup de pied dans une penture, arracha la porte au grand complet d'une seule main puissante. Un corridor y succédait, puis une autre porte verrouillée. « En avant !» ordonna-t-elle. C'est après avoir défoncé une deuxième porte qu'Amélie aperçut une traînée de sang sur le sol, des trous de balles dans les murs, le plancher, un cadavre en lambeaux. Par ses souliers vernis, elle conclut que ça ne pouvait pas être Hans. Trop tard pour reculer. Propulsée par son momentum, Amélie serra la mâchoire et s'écrasa contre la dernière porte, enfonçant un poing dans la plaque d'acier, la pliant, l'arrachant dans un crissement métallique. Alors même qu'Amélie surgissait dans l'antichambre, le hurlement horrible des deux tourelles résonna. Leur feu l'éblouir. La force brutale des salves s'abattit contre l'exosquelette, le repoussant comme un rat de marée. Dans une nuée d'étincelles, Amélie fut acculée au mur, mais se ressaisit juste à temps pour brandir son M2, serrer la gâchette, laisser aller une traînée de 50 à l'emporter. Les vibrations, à peine perceptibles à travers l'armure puissante, Amélie raffermit sa poigne et visa à l'emporter, envoyant métal hurlant contre métal hurlant, déchaussant une première tourelle de son socle en une gerbe de flammes. Une pluie de douille cascadait aux côtés de la mitraillette. La deuxième tourelle s'effondra de même, percée comme une passoire. C'est à ce moment que les 6 soldats d'élite firent irruption dans l'antichambre, dépassant Amélie, stupéfaite. Le premier, celui qui menait le peloton, n'avait pas fait 3 pas en direction du terminal que la rafale aiguë d'un AK retentit, l'atteignant dans le cou et l'envoyant s'effondrer aux bottes de ses compagnons. Portés par leur entraînement, les 5 autres volèrent par-dessus, enjambant la loque sanglante sans cligner des yeux pour plonger en parfaite formation derrière le bureau d'où avait surgi le tireur. De son côté, des messages d'alerte avaient envahi le HUD d'Amélie et celle-ci tentait tant bien que mal de se ressaisir. Lorsqu'elle vit les soldats jaillir depuis le terminal entraînant un homme, Hans, de force, le ruant de coups, Amélie ne put s'empêcher d'intervenir. Les joints de l'exo abîmé crissaient dangereusement lorsqu'elle fit 3 pas devant, écartant les soldats d'un revers de la main. « Laissez-le-moi !» ordonna-t-elle en saisissant Hans, mou comme un chiffon et à demi-conscient. « On lui fait la peau ?» blagua un soldat. « Allez, ce petit fif mérite juste une lame entre les fesses. Je suis sûre qu'il va aimer ça. » Se rappelant que les caméras étaient actives, Amélie secoua la tête, déposa Hans par terre, s'accroupit par-dessus lui. « Je veux quelqu'un au terminal !» lança-t-elle. « Maintenant !» Hans cracha un caillot de sang. Son regard oscillait de gauche à droite, comme celui d'une bête piégée. Il gigotait faiblement, ses forces l'abandonnant. Amélie remarqua la mine patibulaire, les arcades creuses, cet air malade des sans-abri de la pointe. Il était cogné, coupé, blessé de partout, saignait de la cuisse, malgré un garrot de fortune. Le supposé leader du M9A, pratiquement mort. « Il y a un programme en cours d'exécution !» s'écria un soldat à la console. Je vois des drapeaux noirs partout. Le système est barré. J'ai pas accès. Shit, la croix, les données s'envolent. Hans dut l'entendre parce qu'il sourit, là, faiblement, en coin. Un sourire complice, presque moqueur, mais paisible en un sens. À ce moment, dans l'antichambre, agenouillée dans un exosquelette défaillant, Amélie regarda ce sourire et réalisa que, même à l'agonie et à 2 doigts de la mort, Hans semblait étrangement satisfait. Lui, satisfait. Amélie ressentit une envie soudaine de le frapper, l'étrangler, le forcer à expliquer pourquoi lui et les autres insurgés faisaient tout cela. Comment pouvait-il tout détruire et sourire comme ça? « J'ai besoin d'un tech !» hurla le soldat à la console. « Vite, je suis pas capable. Ils sont en train de tout détruire !» Mais la colère d'Amélie s'assécha aussi rapidement. Elle vit une larme couler sur la tempe de Hans, puis une autre. Il avait cette mine désarmée, vulnérable, tout son corps chétif, rachitique, brisé. Le regard perdu au loin. Ailleurs, quelque part debout. Après avoir souffert toute une vie, il abandonnait. Il abandonnait. Fuck! Cria un autre soldat. Les techs ont disparu. Ils se sont poussés. Oh, les hosties! Est-ce qu'on a le temps de courir après? Qu'est-ce qu'on fait? La croix? D'une main bandée par des rubans sales et tachés de sang, Hans serrait un pendentif à son cou, de toutes ses forces, tremblotant. Il s'y agrippait comme si c'était la dernière chose qui comptait pour lui. Le collier, l'étoile du chaos. « Je sais !» cria un soldat en dégainant un couteau de combat. « C'est un malade mental, sûrement qu'il sait comment renverser tout ça. Le petit cochon. Je parie que je peux le faire couiner. » Mais Amélie suivait à peine les échanges. Elle se surprit à inspecter rapidement les blessures de Hans, les scanners vitaux du HUD scintillant, évaluant le pouls, la respiration. Les diagnostics évaluaient une forte probabilité de survie, moyennant une stabilisation rapide. « Ah ah !» lança le soldat à la console. « J'ai trouvé. Je peux court-circuiter le terminal directement. Au moins, on perdra pas tout. Donnez-moi une seconde. On va être correct, les boys. On est sauvés !» C'est alors que quelque chose se brisa en Amélie. Une pièce intime, le dernier fragment du miroir éclaté qu'était sa vie. Elle considéra, le temps d'une seule seconde, l'idée de remplir sa mission, d'obéir aux ordres encore une fois. Et la révulsion l'envahit aussitôt. Encore une fois, on tentait de la contrôler. Fais ci, fais ça. Tout le monde se servait d'elle. Ils exigeaient, encore, qu'elle massacre des pauvres en guenilles. Pour que rien ne change, jamais. Toujours des mensonges et des gadgets et une sécurité illusoire, suffocante, suicidaire. Mais c'était elle, elle et personne d'autre qui avait appuyé sur la gâchette. Elle au salaire de Yoni, elle dans la ruelle d'un restaurant, elle sur la rue Notre-Dame, elle dans l'usine abandonnée, elle dans ses catacombes, grises et froides, au milieu de nulle part, avec une chance de changer quelque chose. Elle, avec l'horreur incommensurable derrière et le vide devant. Un vide à remplir, peut-être. Comme tout était clair, maintenant. Jubilant, les soldats ne réagirent pas lorsqu'Amélie se releva, titanesque dans son exosquelette, ni même lorsqu'elle agrippa sa mitrailleuse M2 à deux mains et serra la gâchette. « Le monde entier, regarde !» lança-t-elle. Amélie ouvrit feu, premièrement sur le soldat à la console, le broyant de côté dans un torrent saccadé, le canon vomissant flamme après flamme. Les douilles vides pleuvaient sur le béton. L'homme fut projeté par-dessus le terminal, avalé par une holoprojection où luisait un visage pâle, écarlate, le sourire ponctué par des canines saillantes. Visé, tiré. Amélie retourna son arme contre une deuxième cible avant que le peloton n'ait le temps de réagir. Elle le fusilla sans résistance, les balles 50 perforant son armure para-aramide de part et d'autre, l'envoyant tournoyer contre le mur du fond. Un troisième soldat, qui se tenait près de là avec son couteau de combat, chargea Amélie dans une saillie de coups parfaitement exécutés. Mais avant que sa lame ne puisse trouver de point vulnérable dans l'exosquelette, Amélie lui assénait un violent coup de crosse à travers le visage, sa force décuplée. Un craquement sec retentit, et l'homme s'en alla rouler 3 mètres plus loin, le cou tordu dans un angle impossible. Les deux derniers soldats d'élite s'étaient repositionnés au coin opposé de l'antichambre, faisant feu croisé dans le dos d'Amélie. Les réflexes aiguisés par la dextroamphétamine, ils visaient d'une acuité surhumaine leurs forces combinées, menaçant de terrasser la géante. Faisant volte-face, Amélie faillit perdre l'équilibre et tomber à la renverse. Sa visière commença à se fissurer, le HUD s'évanouit. Des étincelles jaillirent de certains cerveaux moteurs et l'exosquelette devint quasiment impossible à manœuvrer. Visé, tiré. Hurlant à travers le mugissement des mitraillettes et les assauts contre ses plaques de métal, Amélie redressa sa M2 contre un des deux soldats et étrangla la gâchette de toutes ses forces. L'homme fut balayé comme une feuille morte dans le vent. Désemparé, le dernier soldat profita du moment pour prendre ses jambes à son cou. Il bondit, s'engageant à toute vitesse vers la porte de sortie. Amélie n'eut qu'à pivoter sur elle-même, le châssis de l'exosquelette grinçant, et envoyer une rafale suivant la trajectoire d'un arc à travers l'antichambre, happant le soldat à mi-chemin, juste avant que la M2 tombe finalement à sec. L'homme s'écroula comme un boulet, parvint à rouler sur le dos, puis sombra en état de choc, grouillant à l'agonie, les poumons perforés. Son exosquelette défaillant, Amélie força quelques derniers pas saccadés pour trôner au-dessus de sa proie mourante. En chemin, elle balança sa lourde mitraillette, l'engin tombant parmi les centaines de douilles éparses sur le plancher. Suivit le casque, craquelé, qui alla rouler dans une flaque de sang. Amélie contemplait le soldat silencieusement, regardait la caméra fixée dans le masque. Son propre visage était couvert de sueur, les mèches lui collaient au front. Mais c'est avec une expression de soulagement qu'elle prit la parole. « C'est fini, » dit-elle simplement. « Le monde entier regarde. » Sans l'ombre d'un remords, Amélie leva le genou, sa botte titanesque au-dessus du crâne du soldat agonisant. Il fit une pause, un moment, avant de l'écraser.